France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1966, on entendait sur France Culture un tout jeune homme qui n'avait pas 22 ans. Il était metteur en scène et on parlait déjà beaucoup de lui dans le monde du théâtre. La voix était encore claire et il s'exprimait moins précipitamment qu'il ne le faisait à son âge mûr. Il ne semblait pas du tout intimidé, à peine mesuré, et évoquait avec une assurance sans faille Villard, Planchon et Barrault, Brecht, Beckett et Ionesco. Bref, il était déjà très impressionnant et semblait savoir exactement où il allait. Ce très brillant jeune homme, qui allait faire par la suite parler de lui beaucoup plus encore, c'était Patrice Chéreau. Invité de Moussa Abadi, il présentait la mise en scène qu'il occupait alors, une adaptation, une relecture critique en quelque sorte, de l'affaire de la rue de l'Oursine, de la Biche. Entretien avec Patrice Chéreau, c'était sur France Culture, le 23 juin 1966. Patrice Chéreau, depuis quelques semaines, on parle beaucoup de vous dans la presse à l'occasion de la création d'une pièce de la Biche que vous venez de présenter au théâtre des Trois Baudets, l'affaire de la rue de l'Oursine. Avant de parler de ce spectacle, je voudrais vous demander de vous présenter vous-même à nos auditeurs. Eh bien, j'ai 21 ans, je suis né en Maine-et-Loire il y a 21 ans, donc en 1944. Mon père est peintre, est artiste peintre, ma mère est dessinatrice, c'est-à-dire que j'ai été très tôt mêlé aux questions artistiques. Enfin, mon père m'a emmené depuis l'âge de 5 ans dans les musées. Et j'ai fait comme étude des études classiques, français, latin, grec, enfin jusqu'à il y a quelques années, puisque maintenant je les ai arrêtées. Dans quel lycée ? J'ai fait mes études au lycée Louis le Grand, à Paris. Et vous alliez souvent au théâtre en faisant vos études ? En faisant mes études, j'ai commencé à aller au théâtre, enfin vers l'âge de 15 ans. J'ai commencé à m'y intéresser, j'ai découvert le théâtre plus ou moins par la Comédie Française, par le TNP, par les matinées classiques enfin, qui se donnaient à cette époque-là. Et ça a commencé à m'intéresser vers cette période-là. Enfin. Quel âge aviez-vous alors ? À cette époque-là, j'avais 15 ou 16 ans. Et je crois que mes parents, enfin, pour autant que je me souvienne, mes parents voyaient d'un assez mauvais œil le fait que je m'intéressais à cette branche de l'art, enfin, disons. À quoi vous destinait-on ? Oh, il ne me destinait pas à grand-chose, enfin il voulait probablement, je crois, que j'ai une profession stable, disons, une profession fixe. Mais ceci dit, je crois enfin qu'ils m'ont été très utiles, en ce sens qu'ils m'ont très tôt dirigé sur ces choses-là et forcé même au début à m'intéresser à la fois à la peinture, puisqu'ils en faisaient, à la sculpture, à la musique surtout. Mais vos parents ne s'intéressent pas particulièrement au théâtre. Maintenant, ils s'y intéressent. Maintenant, oui. Maintenant oui. Que vous en faites vous-même. Maintenant que j'en fais, maintenant qu'ils ont à juger mes spectacles, et ils les jugent d'ailleurs assez bien, ils commencent à s'intéresser au théâtre. En sortant du lycée Louis le Grand, je crois que vous avez suivi les cours de l'Institut théâtral de la Sorbonne. Oui, j'ai fait propédeutique en Sorbonne, et en même temps, j'ai suivi les cours de Bernard Dort à l'Institut d'études théâtrales. Je les ai suivis par simple goût, puisque je ne m'étais pas inscrit aux examens. Et j'ai suivi aussi, et ça c'est une chose très importante, enfin qui m'a beaucoup apporté, les cours d'Edouard Pfrimer, qui était un assistant, qui est mort maintenant, qui était un assistant d'allemand, et qui m'a appris beaucoup de choses dans ses cours d'initiation à la littérature allemande, qui m'a appris beaucoup de choses sur Brecht, sur la littérature classique allemande, sur la culture allemande en général. Je m'excuse, j'ai mal entendu le nom de ce professeur. Edouard Pfrimer. C'est un traducteur de Brecht, il a traduit beaucoup de pièces de celles qui sont parues en France, et en particulier Galilée, Le Cercle de Craie et quelques poèmes. Oui, mais alors comment vous est venue l'idée de faire quelque chose dans le domaine théâtral ? J'ai commencé à jouer parce qu'il y avait au lycée Louis le Grand, il y avait un groupe théâtral qui était déjà à l'époque très très actif, qui était un des plus actifs de tous les groupes de théâtre universitaire, qui avait à sa tête un professeur du lycée, et qui faisait déjà de la recherche, enfin sur un plan strictement universitaire, c'est-à-dire qu'elle montait des pièces qui étaient très peu connues, des premières pièces de Corneille, des pièces de Molière, de celles qui sont peu jouées. Et dès la première année où j'étais au lycée Louis-le-Grand, je me suis inscrit à ce groupe, et j'ai commencé à faire de la figuration. Enfin, ça a été mon premier contact avec le théâtre. Vous étiez en quelle classe ? J'étais en seconde, à ce moment-là. En seconde. Oui, mais enfin, c'était des exercices scolaires, n'est-ce pas ? Scolaires, mais enfin, les critiques venaient. On essayait de faire ça sur un plan, je ne dirais pas professionnel, parce qu'on revendiquait rigoureusement le statut d'amateur, mais on le faisait sur un plan au moins de sérieux dans le travail, qui m'a beaucoup apporté, d'ailleurs. La deuxième année, j'étais tellement mauvais, d'ailleurs, qu'on m'a donné une figuration encore plus petite. Et la troisième année seulement, j'ai fait un rôle de composition. C'était dans Roméo et Juliette, je crois, oui. Shakespeare. Après, j'ai joué des rôles importants au groupe théâtral du lycée. Et ensuite, on a fait des tournées en Bretagne, sur la Côte d'Azur. Où, enfin, ça m'a beaucoup appris sur le plan du jeu. J'ai jamais joué très sérieusement. Enfin, j'ai jamais considéré que j'avais à travailler le métier d'acteur, disons. Dans ce domaine, vous n'avez aucune formation ? Non, aucune. De toute façon, j'en ai aucune. Et vous aimez jouer la comédie ? C'est une chose qui me passionne. Oui. Pour laquelle je reconnais d'ailleurs que j'ai très peu de dons, disons. Je manque de discipline en particulier. Oui, et puis d'expérience. Et d'expérience. Comment vous est venue l'idée de mettre en scène ? C'est une chose qui m'a toujours tenté, et ça s'est concrétisé, disons, au théâtre du lycée Lullegrand, où j'ai une année, il n'y a plus de metteur en scène, et j'ai eu la possibilité de faire quelque chose. Et c'est là où je me suis lancé, enfin je me suis jeté à l'eau, disons. C'était votre première mise en scène ? C'était ma première mise en scène. Il s'agissait d'une pièce, d'une création mondiale, d'une pièce de Victor Hugo qui s'appelle L'Intervention, qui est un tout petit mélodrame, un mélodrame d'une heure de Victor Hugo, un peu dans la même veine que 1000 francs de récompense qu'avait Montesquieu, c'est-à-dire avec beaucoup d'humour, mais en même temps des choses très naïves. En particulier, il s'agissait du comportement d'un ouvrier confronté à des nobles. Et je crois, maintenant que j'y repense, que c'était une très très mauvaise mise en scène. J'ai commencé à monter ensuite Fuente Ovejuna de Lope de Vega, qui est l'histoire, si vous vous souvenez, de ce village espagnol qui se révolte contre son maître. Et on l'a joué au lycée Lullegrand, puis au festival d'Erlangen en Allemagne, où on a eu un prix cette occasion. Et après ce Lope de Vega ? Après ce Lope de Vega, j'ai monté une pièce pour le festival de Nancy, le festival de théâtre universitaire. C'était L'héritier de village de Marivaux. Ça n'a pas eu de succès du tout, je me suis même fait siffler, parce que pour avoir monté un Marivaux d'abord, qui était une pièce de Marivaux peu connue, beaucoup de gens estiment que c'est une mauvaise pièce, et ensuite parce que je l'avais monté d'une manière qui n'avait pas plu du tout aux gens. Enfin, c'est la première fois d'ailleurs qu'on m'a traité de sous-planchon à cette époque-là. C'est une pièce qui est très virulente, qui est très dure, et qui présente aussi dans certains comportements de personnages, enfin le marivaudage, mais un marivaudage à nu, enfin avec tout ce que ça comporte de, je dirais pas de pourriture, c'est un mot trop fort, mais de décadence, en même temps d'une certaine noblesse. De décomposition. C'est ça. Ensemble, l'affaire de la rue de l'Oursine est votre premier succès. C'est mon premier succès, absolument. Eh bien, parlons-en. Il y a la pièce elle-même, celle qu'avait écrite La Biche, et qui fut créée en 1857 au Théâtre du Palais Royal. Et puis, il y a celle que vous nous montrez actuellement au Théâtre des Trois Beautés. Je voudrais, pour commencer, vous demander d'abord de résumer très brièvement, très succinctement, la pièce telle que l'a écrite La Biche. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'histoire de deux petits bourgeois qui se réveillent un matin et qui sont accusés par leur entourage, par les circonstances, d'avoir tué dans la nuit une charbonnière. En fait, ils se réveillent, ils ont la gueule de bois, et ils ont du charbon sur les mains, enfin, et toutes sortes d'indices qui les accusent, plus ou moins. Là-dessus, ils croient rencontrer, c'est l'histoire de leur journée en un sens, ils croient rencontrer deux témoins, leurs domestiques, qui les accusent, puis un autre client qui leur demande de l'argent, ils croient que c'est pour les faire chanter, et ils se décident à les tuer. Et ensuite, constatant qu'il ne restait plus aucun témoin sauf eux, ils décident de se tuer l'un l'autre. Et c'est à ce moment-là que, dans la pièce de La Biche, on apprend qu'ils n'ont tué personne, que les meurtres qui étaient censés se passer en coulisses, en fait, n'ont pas eu lieu, qu'ils n'avaient pas tué de charbonnière, que les indices, enfin, étaient faux, et qu'ils avaient simplement passé la nuit au café d'en face, à boire et à rire avec des amis. Ce qui fait que tout se termine bien dans la pièce. Voilà la pièce de La Biche. C'est ça. Qu'en avez-vous fait ? Ce que j'en ai fait, c'est que j'ai considéré que ce que nous racontait La Biche, c'était un mécanisme. Le mécanisme de deux personnes, deux petits bourgeois, qui partant un matin, enfin fort respectablement, en finissent à la fin de la pièce par tuer deux ou trois personnes. C'est-à-dire que la biche, en fait, a écrit une fausse fin à la fin de sa pièce. Et ce qui est intéressant, c'est la façon assez précise, assez réaliste, dont il a décrit le mécanisme de ces gens qui deviennent des assassins. Là où je fais des restrictions, c'est sur la fin de la pièce, qui renverse tout, et qui montre simplement deux personnes qui se sont livrées à leur fantasme et qui en fait n'ont rien fait. Alors que pour vous, ils ont bel et bien tué et ils ont organisé des meurtres parce qu'ils se croyaient accusés, soupçonnés d'un crime. C'est ça, ils essayent en un sens de réaliser un postulat, enfin, tuer le plus de monde possible pour ne pas être accusés de meurtre. Enfin. Et pour ce faire, on a délibérément coupé la fin de la pièce. Et on a essayé de voir ce qui, en prolongeant, en continuant le mécanisme qu'avait décrit la biche, et je le répète, était décrit avec beaucoup de précision, ce qui pourrait se passer dans la tête de ces gens-là, et ce qu'ils pourraient faire à ce moment-là. Ce qu'on a fait en plus, c'est qu'on a pris d'autres scènes, tiré d'autres pièces de la biche, et on les a rajoutées, enfin, pour donner une description un peu plus complète de ce milieu dans lequel ils vivent, pour donner une sorte de catalogue, de répertoire de comportements, de caricatures, de types sociaux, enfin, qui sont dans la biche et qui reviennent d'une pièce à une autre. Et on les a rajoutés à cette pièce pour en faire une sorte de vaste tableau de mœurs. Enfin. Vous avez mutilé cette œuvre. Dans quel but? Pourquoi? Je ne crois pas l'avoir mutilé. Je crois simplement que c'est un procédé assez courant chez la biche. Enfin, j'ai à l'occasion lu tout le théâtre de la biche. Je crois que c'est un procédé assez courant qui consiste à faire une fausse fin dans chacune de ces pièces. Il y a beaucoup de pièces, je connais La Poudre aux yeux en particulier, où il y a un mécanisme qui est décrit, et qui est décrit avec beaucoup d'agressivité, avec beaucoup de virulence à l'égard des gens dont il raconte la vie. Et à la fin, en fait, tout, la biche retourne tout, et nous dit, en gros, que mon Dieu, ces gens-là ne sont pas dangereux, ne sont pas méchants, et que tout continue comme si de rien n'était. Vous avez lu tout le théâtre de la biche? J'ai lu tout le théâtre de la biche pour faire mon adaptation. Et que représente cet auteur pour vous? Cet auteur représente avant tout une masse, enfin, de comportements, de situations, disons un catalogue, un matériel privilégié de personnes qui ont des rapports les unes avec les autres et qui sont remarquablement décrits. Ça représente aussi, à mes yeux, c'est le côté négatif de la biche à mon sens, un auteur qui écrit... c'est peut-être terroriste de ma part, enfin, qui écrit mal. C'est-à-dire, là où j'estime que les situations de la biche sont fortes, enfin, en particulier l'histoire de ces deux petits bourgeois qui deviennent des assassins, c'est une chose très forte, très, très brutale, et j'estime que c'est mal raconté. C'est-à-dire que la fable, pour parler en termes brechtiens, disons, est mal faite. Elle s'appuie sur des comportements très restreints, sur une psychologie très, très, très faible. Vous venez de parler de Brecht, je vous voyais venir, et on a dit d'ailleurs que c'est du la biche, ce que vous faites en ce moment, c'est un peu du la biche à la sauce brechtienne. Qu'en pensez-vous ? Je pense que dans les années qui ont précédé l'affaire de la rue de l'Oursine, j'ai été effectivement très influencé par Brecht, Fuente Averruna en particulier, et le type même des réalisations qu'on peut faire, enfin, sous l'empire direct de la méthode brechtienne. J'estime qu'avec le Marivaux et beaucoup avec la biche, je m'en suis détaché. Déjà ? Je crois. Comprenez-moi, je ne cherche pas à m'en détacher. J'estime, contrairement à d'autres metteurs en scène, enfin, je crois qu'il n'y a pas de honte à faire de la copie, je crois. À partir du moment où il y a un bon travail, c'est aussi profitable, aussi créateur de le copier pour en tirer pour soi-même les enseignements. Au départ, j'ai été très influencé par Villard. Et finalement, je m'en suis détaché tout à fait. Et je crois que maintenant, la personne qui me fascine, enfin, je crois que fasciner est le mot, qui me fascine le plus, c'est Planchon. Je ne sais pas si d'autres metteurs en scène m'ont autant fasciné. Peut-être Lavelli. J'ai eu l'occasion récemment de voir Yvonne de Gombrowicz, mis en scène par Lavelli. Et je crois que c'est là aussi un très grand travail. Quand vous dites au départ, j'ai été très intéressé par le travail de Villard. Quand vous dites au départ, cela se situe quand? Cela se situe quand j'ai commencé à aller au théâtre. Pas du tout quand j'en ai fait. Il y a combien de temps de cela? Il y a 6 ou 7 ans. Et vous avez vu beaucoup de spectacles de Villard? J'ai vu beaucoup de spectacles de Villard. À ce moment-là, j'ai suivi régulièrement tous les spectacles du TNP. Et j'étais même abonné. Et j'étais même plus ou moins fanatique, enfin, du TNP. Vous allez souvent au Théâtre de France ? Je vais au Théâtre de France. Personnellement, je n'aime pas du tout ce que fait Barrault. Et une plus grande déception, enfin, ça a été c'est tout récent, ce n'était pas de Barrault, mais enfin, j'estime que c'est un travail mal fait. Enfin, c'est les paravents de. Oui, mais Barrault n'y est pour rien, c'est Roger Blin qui a mis en scène. Oui, mais le travail de Barrault ne m'intéresse pas non plus. Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Je lui reproche de faire du travail bâclé. Bâclé. Bâclé. Peut-être est-ce prétentieux de ma part de dire ça. Ses mises en place, son travail d'acteur n'est pas satisfaisant. En plus, ses spectacles sont très rarement beaux à voir. Et c'est une chose qui compte beaucoup pour moi. Enfin, ça me gêne énormément quand je vois un spectacle de lui. Au début, encore il y a très longtemps, j'ai beaucoup aimé Beckett, mais enfin, c'était pas très raisonné de ma part. En fin de compte, je suis très gêné, à la fois par Beckett, par Ionesco. Enfin, personnellement, ce ne sont pas des auteurs que j'aimerais monter, et je crois surtout que ce ne sont pas des auteurs que j'aimerais présenter à un public. Pourquoi ? Pour Ionesco, je crois que c'est très très mal fait. Il y a un manque total à la fois d'humour. Enfin, il ne sait pas du tout ce qu'il a à dire à un public, je crois. Il dit des choses qui ne sont pas intéressantes à présenter. Enfin, pour Beckett, c'est différent. Beckett, vous connaissez bien le théâtre de Ionesco ? Oui, je l'ai lu et je l'ai vu. Je reconnais peut-être certaines qualités scéniques, disons, des pièces comme La cantatrice chauve, aux pièces du début. Maintenant, j'estime qu'ils se perdent dans des choses, je ne dirais pas philosophiques, comme on a tendance à le dire, mais enfin, avec une absence de philosophie ou une vulgarité dans la philosophie. Vous avez vu La soif et la faim ? Non, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai vu Le roi se meurt. Oui. Et ça m'a choqué, enfin, par le. Vous connaissez Tueur sans gage ? Oui, je connais. Pour l'avoir vu. Et Rhinocéros ? Et Rhinocéros, pour l'avoir vu. Et ce théâtre ne vous séduit pas du tout ? Du tout. Et celui de Beckett non plus ? Celui de Beckett me gêne, mais je reconnais que c'est un très très grand auteur, enfin, qui a une authenticité, enfin, beaucoup plus grande que Ionesco. Mais je reste très en dehors. Parce que ce dont il parle, justement, me laisse assez froid. Et vis-à-vis d'un public, je crois que ce ne sont pas des choses intéressantes à dire. Et Jeunet ? Jeunet, c'est un peu le même problème, je crois. On a l'impression que vous jugez ces hommes qui ont beaucoup apporté au théâtre et qui ont beaucoup servi le théâtre. On a l'impression que vous les jugez un peu du haut de votre œuvre future. Non, du tout. D'abord, y a des choses enfin, que j'admire énormément, enfin, que ce soit Brecht, que ce soit éventuellement, dans certains cas, Adamoff, et que ce soit Planchon. Et ce sont des choses pour lesquelles je suis sans réserve, disons. Maintenant, pour ce qui est de mon œuvre future, je suis en train de tâtonner, si vous voulez. C'est-à-dire que j'estime que dans le théâtre ancien, disons, dans les classiques, dans Marivaux, dans les pièces chinoises, par exemple, que j'ai l'intention de monter à la rentrée, les pièces chinoises du XIIe siècle, qui racontent des histoires très simples entre des femmes qui sont prises, enfin, qui sont des histoires très modernes. J'estime que là, on a des histoires qu'on peut raconter au public, enfin, auquel je veux m'adresser, qui sont des histoires très modernes. Il est certain qu'il faudra que je fasse tôt ou tard un travail de répertoire moderne. Enfin, et là, je constate enfin qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui racontent des histoires qui se passent entre les gens et des choses qui concernent directement les spectateurs auxquels on veut s'adresser. C'est-à-dire que là encore, il y a une recherche à faire et on n'en est qu'au premier tâtonnement. Daimena nea tavismena nea daimena ligoro na ina filaki ana ina Cristo ana ili C'était Entretien avec Patrice Chéreau, au micro de Moussa Abadi, le 23 juin 1966, sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.